François Morel, c'est à vous. Par ma largeur d'esprit, mon attitude humaniste, ma démarche altruiste, je suis devenu au fil des années une sorte d'organisation des Nations Unies à moi tout seul, capable d'intervenir dans les conflits les plus violents. Je sais combien les dissensions apparues entre Bouba et Karis ont pu être traumatisantes pour ceux qui ne se sont jamais tout à fait remis des anciennes querelles entre Guy Béard et Serge Gainsbourg. Tous ceux à l'instar d'un Dominique Seux qui, tout en appréciant la charge érotique de Bouba, ne sont pas sans estimer la fougue charnelle de Karis, qui tout en reconnaissant l'inspiration poétique de Karis ne méprise pas pour autant le souffle lyrique de Bouba. Bouba et Karis sont comme deux grands fauves lâchés dans l'écriture de notre époque de violence et d'insatisfaction devant le temps qui passe et la patience qu'il faut parfois pour obtenir le dernier smartphone de chez Apple avec toutes ses applis. Souvenons-nous de tout ce qu'Apollinaire doit à Bouba. Apollinaire écrivait passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Bouba, dans un style plus resserré, plus saisissant, plus percutant, notait passe les go, passe les euros, passe les années, passe les clashs, guerre, ma carrière et cellophané. Sur une musique de Frédéric Chopin, dont les relations avec George Sand ne sont pas sans rappeler les tiraillements qui existent aujourd'hui entre les deux rappeurs, je voudrais, en ces temps macroniens où l'on peut en même temps aimer Sartre et Camus, Voltaire et Rousseau, Dolce et Gabbana, dans une perspective de réconciliation, d'apaisement, d'harmonie, mêler Bouba et Karis, Boris et Kaba, Baris et Kuba. Ferme un peu ta gueule, va me faire un steak frite, je serai au moins dans le cul de ta connasse quand j'aurai pris le coup de grâce. J'ai d'autres objectifs, mais tu persistes. Tu crois que je baisse tout ce qui bouge de Boulogne, Pont de Sèvres à Pierrefitte? Tu m'as fait mal au crâne, je suis à deux doigts de te court-circuite. J'aime les festins, pas les pique-niques. Ta tronche d'enfant de putain ne me dit rien qui vaille. J'ai besoin d'aller vite, je me fais flasher sur toute la route. Alors que je me faisais sucer, je pensais à mon futur. Je fais partie de l'élite, je remplis Bercy, le Zénith. Mais quelle trace je vais laisser si je ne fais pas de marmots. Puis je cracha dans la gorge de cette pute à 150 euros. Trace de rouge à lèvres sur mon polo Gucci. Si je roule à deux à l'heure, je regarde sûrement un gros cul passer. Tu m'as tapé dans l'œil, je t'ai mis sur le côté. Approche pas de mon cœur, girl, tu vas sauter. Je me dis que je vais là, tes jeux, mais voilà, qu'est-ce qu'elle est bonne. Alors, je ferme les yeux, je plane. Je suis un killer, girl, je suis un killer, killer, killer ici. Il n'y a pas de loser. Je serai dans le 92 vers les coups de 12 heures. Je suis un killer boy. Je suis un killer, killer, killer, killer. Je suis un killer, killer. Je suis un killer. Chapeau. Bravo François Morel. Et merci.